Valentine de Rohan. Conclusion. En cette séance du Parlement de Rennes, César de Rohan et Marie, sa cousine, furent solennellement reconnus. Ce fut Madame de Toulouse qui réunit leurs mains pour les fiançailles. Quand on sortit du palais des États, le prince gouverneur fit signe du haut du perron qu'il voulait parler. Valentine était auprès de lui. Les loups applaudirent d'un bout à l'autre de la grande place. « Bonnes gens, dit le prince, la guerre est finie entre vous et nous. Le roi, et il appuya sur ce mot le roi, comme s'il eût voulu écarter la personne du régent, odieuse à la Bretagne, le roi vous aime, et c'est pour cela qu'il m'a envoyé vers vous. Je vous apporte l'oubli du passé, avec la promesse de jours meilleurs. Et pour preuve, bonnes gens, voici le fils de vos anciens seigneurs que le roi vous rend. Il était comte, le roi le fait duc. » Il prit Raoul par la main, et acheva, au milieu des acclamations commencées, « Pour que le nom de Paul Duc, souillé par un traître, tombe dans l'oubli, celui-ci est le duc de Rohan-Rohan. » On dit qu'après ce grand triomphe, Madame Valentine, rentrée en son hôtel, trouva au seuil de son oratoire Morvan de Saint-Maugon agenouillé. Feydeau et ses deux filles étaient partis pour Paris à la suite de la séance. Alain Paulduc avait disparu. Voici ce qui se raconta tout bas dans les loges de la forêt de Rennes. Jocelyn Guitton lui avait dit un jour, sous son serment, « Tu mourras de ma main. » On retrouva le corps de Paulduc dans le cimetière de Noyal, entre les tombes de César et de Jeanne de Combourg, sa femme. Le bourreau était couché entre ses deux victimes. En terminant, nous constaterons que le voyageur Julot raconta les merveilles de Paris jusqu'au dernier jour de sa vie et que Dame Michon reprit avec honneur son poste de femme de charge du manoir. Les mémoires du temps n'ont qu'une lacune, une seule, mais elle est regrettable. Malgré nos recherches sérieuses, nous n'avons jamais pu découvrir si le romanesque Magloire fut enfin l'époux de Sidonie.